Seigneur notre Dieu. Que tous les saints disent gloire au Seigneur Jésus-Christ. Que le peuple de Dieu dise Alléluia. Alléluia. Louange à Jésus notre Sauveur. Il est incomparable. Il est aimable. Il est adorable. Il est respectable. Lui-même est serviable. Disposé à nous servir. Nous secourir. Nous aider. Nous exaucer. Nous bénir. Nous changer. Disposé à faire tout ça. Alors que tout ce qui respire loue le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, ce matin, c'est toi qui l'as fait. Cette journée, c'est toi qui l'as donné. Notre souffle de vie vient de toi. La force physique vient de toi. La santé de corps vient de toi. La force de tenir debout vient de toi. Toutes choses viennent de toi. Et nous te remercions, te glorifions, te sanctifions pour ce que tu as fait. Bénis cette matinée, reçois nos prières et envoie la parole atteigne le but dans la vie de chacun et dans la vie de l'église ici et plus loin d'ici. Tous ceux qui sont connectés soient bénis aussi par le Bénis ici. Tu es Dieu de près. Tu es Dieu de loin. Tu remplis les cieux et la terre. Seigneur, puisses-tu conduire le culte aux prédications de l'évangile et traiter chaque cas qui a besoin de ton attention. Donne une suite, Seigneur. Apporte ton information. Car toi seul fais mieux que quiconque. Sois plus que l'homme, Seigneur. Que ton nom soit élevé, sanctifié dans nos cœurs, élevé dans ton église, ton est grand et souverain. Reste avec nous, chemin faisant, donne gloire à ta parole, fais progresser l'évangile, et que l'œuvre du Seigneur prospère au même Jésus-Christ. Confirme ta parole, manifeste tes promesses, édifiant notre foi, l'amenant à un niveau meilleur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Nous allons lire la sainte parole de Dieu dans la Bible. Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4. Versets 11 à 13. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Yemper asilikopesa makambo yete mamususu bazala bantoma bamususu basakoli bamususu bapalamisi na sango malamu bamususu babateli mpe balakisi mpo na kobongisa babulai mpo na mosala na kosungaka mpo na kotongaka nzoto na Kristo kino ekokoma biso nyonso na bomoko na kondima mpe na boyeki na mwana na nzambe na mobali kokimba na etemelo na monene na litindi na Kristo ete tozala bana mike lisusu te. Luc 18 verset 6 à 8. Mkapula zomi na mwambe mulongo ya motoba kino. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Aloba ki ete, yuka yango elobi mosambi simade. Nzambe akolongi seba ponamina yete, ba oyo bazali kobyanga ye moye na botu. Mpe ba oyo azali koyoka bango na motema molaye. Nalobi na bino yete, akolongi sabango nokidoki kasi. Wana ekoya mwana na moto, akokuta kondima awa na se. Ésaïe chapitre 28, verset 21. Car l'Éternel s'élèvera comme à la montagne de Perathim. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail une nuit. Pour être Yahweh, à côté de Malokola, Nangomba, na Pelassim. A côté de Malokola, na Lobako, na Jibona. Yete asala musala na ye, musala na kokamwa. Yete abongisa likambo na ye, likambo adjo. Que votre présence soit bénie. À cause de l'amour du Seigneur dans le cœur. L'amour inconditionnel. Nous le Seigneur sans condition. Nous le servons sans exigence. Nous n'avons pas besoin de caprices. Mais nous pouvons nous offrir à lui. Le privilège qu'il nous donne d'être compté parmi ses enfants, que lui nous a aimés sans condition, sans exigence. Il nous a simplement aimés et il nous a introduits dans une alliance inconditionnelle parce qu'il est amour, lui, notre Dieu. Et nous l'aimons de tout cœur. Ce matin, nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'il peut faire. Qui n'aime pas Jésus, Dieu qui aime Jésus-Christ doit garder ses commandements. Jésus-Christ doit garder sa parole. Et maintenant, il est temps de la proclamation de la parole. Et la foi de ce qu'on entend, ce qu'on entend de la parole de Christ. Nous n'avons pas accès à la parole de Christ, c'est que nous n'aurons pas la foi. Foi de Christ. Dans la Bible. Dans Ephésiens au chapitre 4, le verset 11 à 13. Et nous avons encore lu Luc chapitre 18. Nous avons complété la toute première lecture, la lecture introductive dans Ésaïe 28, le verset 21. Ce sont des paroles profondes de Dieu. Et ça fait partie du programme de Dieu. Même la question pertinente qui apparaît dans le visite là. Elle ne sort pas du hasard. Elle n'est pas écrite en vain. Car l'écriture ne parle pas en vain. Elle parle à dessein. Elle parle dans un but. Elle est donnée pour un objectif. Et vous devez saisir cela. Quand le Fils de l'homme viendra, pas dans les airs, mais quand le Fils de l'homme viendra, verra-t-il la foi sur la terre? Cette question aussi n'est pas au hasard. Elle est posée à dessein. Et le reste est une question biblique. Et parce que dans ce chapitre-là, la Bible n'a pas donné de réponse. Il appartient à chaque disciple de la parole de voir quelle réponse réserver à cette question. Et cette foi qui te sera révélée, garde-la pour toi-même devant Dieu. Mais quand tu viendras à l'écriture, sera une question. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il lancera aussi question dans la prédication de ce matin. Mais Notre méditation a commencé dans Éphésiens chapitre 4. Et nous avons lu les versets 11 à 13. Non pas la toute première fois, mais la énième fois. Rebranchons-nous un peu sur ce passage. Éphésiens 4. Oh là là. Commençons verset 8. C'est pourquoi il est dit, c'est le Christ qui est cité. Étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Et que signifie il est monté? Sinon qu'il est parti dans les régions inférieures de la terre. Régions inférieures de la terre. Mais la question de l'Église, oui, elle se rapporte à ce qui doit se passer sur la terre. Mais ici, celui-là qui est monté, c'est celui-là qui était descendu. Plus que sur la terre. Dans les régions inférieures de la terre. Et avant d'atteindre les régions inférieures de la terre, en ayant, en étant déjà mis de sa gloire, il est passé sur la terre. Il est venu d'abord sur la terre. Et dans Jean 3, verset 13, le Seigneur devenir qui nous était semblable à l'ancien des jours. Comment ayant une perruque blanche sur la tête. Ses cheveux, les cheveux de sa tête, il dit Apocalypse, comme de la laine blanche. Pourquoi? Parce que Melchisédek qui est du l'Éternel a été rendu semblable au Fils de Dieu. Parce que Dieu qui nous a aimés dans son programme, il a envoyé son Fils unique ici sur la terre, dans une chair semblable à la chair du péché ici sur la terre. Et il a vécu sur la terre. Il allait ça et là. Sur la terre. Loin du Saint-Esprit et de force. Et il allait ça et là. Ici sur la terre. Faisant du pied. Et guérissant tous ceux qui étaient tourmentés. Par les esprits mauvais. Par le royaume du diable. Et Jésus-Christ là est le même. Il est monté physiquement au ciel. Mais il nous promet de revenir sous forme d'esprit. Sur là à la Pentecôte. Il est venu sur la terre. Et il est dans l'église. Y compris cette église. Il est dans l'église. Il est sur la terre. Continuant les œuvres que Jésus-Christ avait commencé. Et dans les mêmes choses contre Susciter la foi de ceux qui n'ont pas connu ma parole, croissant la foi de ceux qui en ont. L'église vers la perfection. On a suivi l'œuvre pour l'achever. Car il est l'alpha et l'oméga. Le Dieu que nul ne peut dompter. Le souverain des cieux. Le roi invincible. Dieu immortel. Nous ne pouvons que l'aimer. Nous avons raison de l'aimer. De nous donner à lui corps et âme. Ta volonté, ô Dieu, soit faite sur la terre. Avant de descendre sur la terre, il est passé par la terre. Personne ne monte au ciel, excepté celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le même qui était sur la terre. Le même qui était en même temps au ciel. Et quand vous dites, notre Père, priez, dites vous, notre Père qui est au ciel. Mais qui est au ciel là-bas? C'est le même que vous voyez sur la terre. Il avait été sur la terre. Le même qui était au ciel. Il se complique ici. Il se complique là-bas. Il se complique là-bas. Vous ne pouvez pas les dissocier. Il a dit que moi et le Père, nous sommes un. Alors, mon grand fils, verset 31. Moi et le Père, nous sommes un. Indissociable, inséparable, en complicité éternelle. Tu vois là? Tu vois l'autre? C'est lui qui m'a vu? Oui, mon qui est au ciel? C'est le Fils de l'homme. Qui est sur la terre? C'est le Fils de l'homme. Qui est au ciel? C'est le Fils de l'homme. Où irez-vous loin de lui? Il a verrouillé partout. Il occupe les cieux et la terre. Oui, cela prouve que Dieu qui a parlé par Jérémie 23. Pour poser la question, ne suis-je pas, ne remplis-je pas moi? Et la terre, ce Dieu-là qui a parlé par Jérémie, il a changé d'aucune façon. En devenant Jésus-Christ, il était le même. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus-Christ de nous. Jérémie 23, verset 23. Mais suis-je Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi Dieu de loin? Verset 24. Quelqu'un se tiendrait-il dans un lieu caché sans que je le voie? L'Éternel ne remplisse pas moi les cieux et la terre. L'Éternel, à chaque croyant d'avoir sa réponse. Et cette réponse qui te sera révélée, constitue la foi que tu as devant toi. Ne va pas le dire à n'importe qui, vaille que vaille. Garde-le précieusement pour toi. Car n'ont pas le même niveau. N'ont pas la foi. Tous n'ont pas la foi. Et je t'ai fait grâce devant la foi. Qu'elle soit riche pour toi devant Dieu. Dans le psaume 59, oh, Il est écrit ceci au verset 7. Où irai-je loin de ton esprit? Où serai-je loin de ta face? Verset 8. Si je monte au ciel, qui est là? Si je me couche sur ce niveau de monde, te voilà. Et si je prends la gel de l'aurore et que j'aille habiter l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Et jusqu'au verset 12, je ne sais pas. Je prends 11 et 12. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour. Les ténèbres comme la lumière. Il change tes contours. Il change tes contours. L'atmosphère qui t'environne. Il a tout pouvoir. Il a tout changé à tout est. As-tu foi en lui? Crois-tu que c'est la vérité? Dieu est insaisissable. Vous voyez qu'il remplit les cieux et la terre? Alors quand il est venu sur la terre, personne n'est monté au ciel, excepté celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Vous direz, mais Élie n'était pas monté au ciel. Élie a été enlevé au ciel. Élie a laissé la machine. Il n'était pas monté au ciel, mais il a été enlevé au ciel. Il a été enlevé par celui qui n'était pas lui. Celui qui l'a enlevé n'était pas Élie. Oh, il a nettoyé à la tête. Élie ne pouvait pas s'enlever lui-même. Il a couru comme une autre de mon côté. Et nous aussi, même chose. Et nous comme quoi? Il a été enlevé par celui qui n'était pas énorme. Mais, à l'être la maquille, on a fait une côté. Oui. La Bible dit dans Genèse 5, Enoch marchait avec l'Éternel pendant 300 ans. Enoch a tamboré que l'on n'a pas eu, mais il n'est plus. Car l'Éternel l'est pris. Il l'a pris en haut. Il l'a pris en haut. On l'a cherché, on l'a pris sous. Et dans la prédication l'enlèvement, Frère Branham, expliquez-moi l'enlèvement. Il dit c'est to be caught high. Caught up. Être pris en haut. Être pris en haut, c'est ça l'enlèvement. Il a été pris. Mais pour Jésus-Christ, pour l'Esprit, ce n'était pas d'être pris. Et il est descendu de sa gloire. Il est descendu du ciel. Et il a dit lui-même dans un chapitre. Quand les gens commencent à balbutier, lorsqu'ils ont entendu dire, vous ne pouvez pas voir mon sang, c'est le sacrifice. Vous n'avez pas la vie en vous-même. Il dit, mais c'est là vous scandalisez. Et maintenant il a dit, si vous voyez le Fils de l'homme, quand tu filmes lui, alors il se révèle. Qui s'ouvre l'entendement. Il n'est pas donné à tout le monde. C'est cette révélation parmi les disciples. L'ange de l'Éternel, le prophète Esaïe. Ça fait que oui, tu l'as dit. C'est cette révélation parmi mes disciples. Mais pour les autres, ce sera un rocher de scandale. Il ne pierrait pas sa promesse. Lui-même deviendra cela pour eux. Mais pour mes disciples, faire cette révélation par lui. Quand Dieu te fait grâce, prends cette révélation. Dis cette grâce, sois rigide devant Dieu. Que rien ne puisse t'ébranler. Si vous voyez le fils monter, là où il était au paradis. Si déjà on vous demande de manger la chair du fils de l'homme, ça vous attend. Et si vous arrivez de voir le fils de l'homme monter, Élie n'était pas monté. Élie n'était pas monté. Les chaînes de la chair de Saman n'étaient pas montées. C'est au contraire, il est dit. C'est écrit. Et comment dit c'est ce que nous commentons. Et c'est ce que nous commentons. Étant monté en haut, il l'a amené. Amenaki. Donc ils ont été amenés. Ils ne sont pas montés. Mais ils ont été amenés par quelqu'un. Ils n'étaient pas eux. C'est lui qui les a pris et les a amenés. Mais quand il s'agit de lui-même, personne n'est monté au ciel. C'est lui qui est descendu. Et il a dit aux Israélites, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais voici ici le pain du ciel. Car le pain du ciel, c'est lui qui descend en haut. C'est lui qui est au monde. Après avoir expliqué ça, il dit maintenant, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il est quoi? Il est descendu du ciel. Il est descendu. On ne l'a pas descendu. Mais il est descendu. Hébreux 10, verset 5. C'est pour moi, Christ, entrant dans le monde. C'est lui, à sa naissance. Il vient entrer dans les mondes. Jean 16, verset 28. Je suis sorti du Père. Je suis venu dans les mondes. Maintenant, je quitte le monde. Je fais son Père. Parfait. Il est sorti d'un. Il est sorti du Père. Pour devenir le fils. Il est venu sur la terre. Il est entré dans le monde. Quand il est entré dans le monde, il est dit 5. Le Christ entrant dans le monde. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. On a quitté le corps. On a fait la loi. Il m'a formé un corps. L'esprit créateur devenant créature. Et comment qui est-ce que pour le salut de l'humanité, c'est pour son bien. Toi, ne prends pas ton masque intellectuel. Est-ce que vous voulez dire ça? Il y a un tas de confusion. Pour moi qui est pour les gens. La parole de Dieu est lumière. Et pour l'éternité, elle est lumière. Jette ces ténèbres. Reçois ces lumières. Apprends à réfléchir correctement. Et quand tu réfléchis correctement, et que tu as le filtre d'un homme qui réfléchit, tu ne vas pas dire qu'avant qu'Abraham, fils Jésus-Christ, était. Si tu réfléchis correctement, tu si tu es vraiment sérieux, tu vas dire, avant qu'Abraham fût, Jésus-Christ est le Jésus. Il est le Jésus. Voilà comment il faut parler correctement. Pas aller répéter vos grammaires. Maurice Grévis. Ou tu vas choper Maurice Grévis. Je m'en fous. La parole est au-dessus de la grammaire sorcière. au-dessus de la langue de Molière. Quand tout écrit sur les inspirés de Dieu, c'est pas mal. Descendu de sa mort. Oh, quelle merveilleuse mélodie. Frère Bouin, c'est un des frères qui était au Ghana Tabernacle là. Il aimait beaucoup sa façon de dire. Un jour, il était assis à côté de la fenêtre. Hein? Et quand un son sortant de derrière les rideaux, nous avons suivi l'enseignement sur le tabernacle de Dieu au désert, lorsque un son sortant de derrière les rideaux, c'est-à-dire derrière le second voile, là où il y avait l'arche de l'alliance, là où il y avait des chérubins aux ailes déployées, là où la colonne de nuée descendait et s'est posée. Un son sortait de là. C'est le son surnaturel du Créateur. Et quand ton frère a entendu ce son, il a fait les paroles du chant descendu de sa voix. Rien que la phrase là, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. On ne serait qu'on permet qu'on parle de l'encore. Ce qui y a là, c'est Dieu qui a donné. Oui, c'est le temps de la paix. Et nous, et ce que nous possédons, nous le mettons à son service pour sa gloire. Vous avez dit qu'on ne sait pas rien, pas le temps qu'on a eu. Ce qui est salé, mais pas le temps qu'on a eu, ou à Pipas. Alléluia. Vous avez mouru, moi, j'y date. On va y en apparaître, on va s'opérer quand même, gaspillage. Gaspillage. C'était dans un but. C'était conforme au programme. Nous devons marcher par révélation. Il y a des saints dans la salle. Les enfants de Dieu, de la promesse. Que Dieu vous bénisse là. Soyez forts, élevez-vous. Et Dieu, c'est lui qui vous élève. Venez, élevez-vous, c'est lui qui vous élève. Car sa parole, il vous élève. Allez, atteignez le meilleur niveau. Là où tu manges comme un aigle, tu es branché, tu es connecté. Dieu dit, ah, toi tu es juste même. Jean dit, ah, yo, ma Christine. Dieu dit, alléluia, toi dit, ya. Jean dit, alléluia, ma Christine. Ils sont ensemble. Vous allez le voir. Communion. Vous allez le voir. Vous communiez avec moi. Vous allez le voir. Et moi, je communie avec lui. Et nous communions ensemble. Mais c'est vrai, non? Et la parole dit merveilleusement ici. Un Jean ici, chapitre 1. Oh, il est dit ici. Un Jean chapitre 1. Verset 3. Et ce que nous avons fait et entendu. Nous l'annonçons à vous aussi. Oui. Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ceci veut dire que nous sommes ensemble. Et avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, nous sommes ensemble. Et avec ses envoyés, nous sommes ensemble. Dans une sainte communion. Communion avec le Seigneur. Vous saisissez les contours de sa pensée. il est descendu de sa gloire. Il doit faire jubiler une âme. Toi qui étais né dans le péché. Il avait dit dans les psaumes, les cieux sont les cieux de l'éternel, les hommes se sont retrouvés cloîtrés sur la terre, et ce ciel là-bas, et s'il ne faisait pas le geste, personne n'allait le sauver. Il devait casser la chaîne. Il devait rompre un système. Créer une nouveauté. Amener la nouvelle création. Béni soit son nom. Et il est descendu de sa gloire. Il est devenu homme sur la terre. Et il apparaît comme un homme ordinaire. Il n'avait ni beauté ni éclat. Il n'avait pas de protection. La place dont on détourne le visage. Homme de douleur habitué à la souffrance. Mais pourquoi il a fini dans tout ça? C'est parce qu'il voulait te retirer de la honte. Du péché pour t'amener à la gloire. Amen. Vous voulez amener beaucoup de fils à la gloire. C'est son programme. C'est son plan. Et ça, je peux vous le prouver ici. On va tourner des pages pour revenir ici. Naviguer là-bas. Servez ici. Servez là-bas. Ça y est ici. Croyez la parole prêchée. On ne peut pas tout lire. Mais il y en a des choses que nous disons. Et que vous savez et devez reconnaître comme vrai. C'est déjà écrit ici. Dans son livre de vérité. Il est descendu de sa gloire. Et ce qui doit faire jubiler une âme. À cause de lui, c'est ce qu'il a fait. Je peux aujourd'hui dire, Dieu, notre Père Céleste. Je peux l'appeler Père. Et il peut me reconnaître fils. Je peux crier Abba. Oh, je lui dirai Père. Ben. Moi je crie Abba, il répond Ben. Ben. Je crie Père, il répond Fils. Moana. Il reconnaît les sons et l'écho de ta voix. Il se connaît et se tient par sa mère. Et il est heureux de l'avoir pris. Le contraire, il se connaît. Et que toi aussi tu le connais, même si pas 100%, même si pas 100%, car la grâce a été faite, c'est le Dieu de ta vie, mon créateur, mon rédempteur, mon sauveur. Je ne connais pas de grandes choses. Mais je connais une chose parfaitement. Jésus-Christ est mort pour moi. Même si le monde entier n'y est là. Ça, je le sais. De mon cœur, je le sais. J'en suis persuadé. Et quand il crie à Golgotha, il a perdu son sang. Il a été maltraité. Méprisé, abandonné. C'était pour moi. Et je l'ai dit pour moi. Pour moi. Pour moi. Pour moi. Un digne sauvé par grâce pour moi, pour moi, amour, amour, et pour moi, pour moi, pour moi, un digne sauvé par grâce. L'amour est dans Je possède un sauveur dont la mort fut si grand. Il connut la suprême agonie. Donc sublimement, donc sublime, oh c'est moi. Quel triomphe mourant veut sauver dans sa grâce infinie. Je possède. Je possède, moi je possède, dans l'amour si grand, il connut la suprême agonie. Oh, donc sublime, oh c'est moi, que le divin mourant veut sauver dans sa grâce à venir. Oh, c'est moi, il sort un pêcheur tel que moi. Les épines déchirent, son corps adora pour sauver un pêcheur tel que moi. Oh, pour moi, emmenez-moi, il sent un pêcheur tel que moi. Les épines déchirées, son frère adora pour sauver un pêcheur tel que moi. C'est pour moi qu'elle souffrit. Et caché ses manées, il pleura, vivant la coupe amère. Dans son immense amour, il m'a trop pardonné, en mourant sur la croix des calvaires. Oh, pour moi, oh, mon âme et moi, il sauve un pêcheur tel que moi. Les épines déchirées, son corps adora pour sauver un pêcheur tel que moi. Et en reconnaissance d'un amour si profond, je suis conquis, brisé à genoux, au pied de la croix bénie. Oh, je réussis son pardon, et mon âme affamée a trouvé le bonheur et la paix. Oh, d'un amour si profond, je suis conquis, brisé à genoux, au pied de la croix bénie. J'ai reçu son pardon, et mon âme est affamée, a trouvé le bonheur et la paix. Oh, pour moi, emmenez-moi. Un pêcheur tel que moi, je ne peux le péché pardonner. Les épines déchirées, son frère adora pour sauver un pêcheur tel que moi. Jésus, pardonne son peuple, Seigneur. Pardonne tes chauffeurs. Pardonne ton église. De toute conscience. De tout péché. Délivre tes croyants. Au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Il est merveilleux, parfait. Il est le secours qui ne marche jamais. Il est le grand chercheur pour le Seigneur. Il est celui qui bénit. Quand lui décide, il le fait à la chair. Il est Il nous décharge de fardeaux pressants. Et mais voici. Il dit aux croyants, mais voici. Mais voulez-vous? Vous me cherchez? Mais voici. Qui a-t-il la crié à sa chute à s'inquiéter? Qui a-t-il la s'est tourmenté? Dieu est là. Lorsqu'on formera des projets de complot, Dieu a dit que lorsqu'on formera le complot, cela ne viendra pas de moi. Car tout ça nous forge contre toi. Nous sommes heureux à le servir. Nous sommes heureux, nous l'aimons. Il est incomparable. Venez, sans te douter. Pour ses enfants. Pour la banane. Et je suis l'un d'eux. Justement ici, l'un d'eux. Moi vraiment misérable comme ça. L'un d'eux. Dieu a eu pitié de moi. Ma pauvre âme. Lui, il est tout grand Dieu. Vers la bassesse et la pétitude. Un petit homme comme moi. Donc petit être comme toi là. Oh, que vas-tu lui donner en retour? Que vas-tu faire en retour? Mon fils, donne-moi ton cœur. Je réclame ton cœur. Pour qu'il y ait la crainte de Dieu là-bas. Le commencement de la sagesse. Qu'il y ait la haine du mal. Qu'il y ait de se détourner contre le péché. Donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi comme Josué a dit, mon fils, donne gloire à l'Éternel. Ne te glorifie pas ton nom. Ne t'enorgueillis jamais. Bénis toi et donne gloire à Dieu. C'est vrai. Oh, nous sommes là. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il est en train de se mouvoir dans les eaux de la parole. Oh, qui se sent bien comme ça? Maintenant qu'on a dit ça, c'est assez beau. Amen. Et pas une habitude de faire de sa manière. Alléluia.

Verset 27-28. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de son mystère parmi les païens. Quel est son mystère? Savoir Christ en vous. L'espérance de la gloire. Ayez cette espérance. La honte du péché doit être bannie complètement. La confession, la répétition doit finir dans votre vie. Les matins confessés, les samedis confessés, janvier confessé, en juillet confessé. Ça doit finir. La vie de défaite doit prendre part. La vie de victoire doit triompher. Elle doit prédominer. Elle s'agit de sa gloire. Il n'est pas venu travailler en vain. Il est mouru en vain. Et les ministères ne sont pas envoyés en vain. Ils ne sont pas venus pour jouer. Pour s'amuser. Pour l'œuvre du ministère. Écoutez, verset 28, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, sans tant concerné, et instruisant tout homme. Bon, moi Dieu ne m'a pas envoyé exhorter, il m'a envoyé prêtre. Gardons ça comme ça, prêtre et instruit son troupeau. Exhorte, Dieu leur a dit. Moi je ne suis pas un exhortant. Dieu m'a dit répète. Je vais rester à ma place. Je ne veux pas faire de confusion. Paul dit, c'est lui que nous annonçons. Nous les ministres de Ephésiens 4:11. Nous les serviteurs qui ont prêché l'évangile. Nous annonçons lui. Et dans cette prédication, exhortant tout homme. Et instruisant tout homme. Si lui avait la charge d'instruire, moi aussi j'en ai détruit. Ah oui? Je ne peux pas renier ce que Dieu a fait. Si dans ces temps, s'il y avait instruit, moi aussi j'ai instruit. Il a ordonné d'instruire. Alors, recevez l'instruction. Esaïe aussi devait le faire. Il veut instruire. Oh, il dit, instruisant tout homme. En toute sagesse. Afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est que nous reconnaissons qu'il n'y a personne de parfait. Mais c'est justement ces imparfaits là, exposés au ministère de la parole, doivent devenir parfaits. Dis ceci, je le deviendrai par la grâce de Dieu. Amen. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de la foi que tu confesses. Amen. Amen. Il y a l'homme qui l'a discipline. Il y a le problème de Dieu pour lui. Mais bon, pas, tu ne peux pas devenir la vie des gens. Jésus-Christ ne change pas parce qu'il est parfait. Mais yo, la vie ne change pas année après année. Le même était faux. Le même débat. Non. Où est-ce qu'il y a une famille sous la terre? Où est-ce qu'il y a une famille sous la terre? Nous venons à l'église pour progresser. La Bible a dit, applique-toi à la méditation. À la lecture. Afin que tes progrès soient évidents. Dieu plus on demande ni les chacun. Hein? Dieu plus on demande les chacun. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Nous voyons dans l'espace naturel. Nous voyons dans l'espace naturel. Il y a les enfants qui naissent mal formés. Ils ont l'appel de malformation congénitale. Certaines malformations sont même incompatibles avec la vie. Et c'est tellement si évident que Dieu, la nature s'arrange à ce que ces créatures-là s'éliminent même par accouchement prématuré ou pas, avortement. Pamba. Donc c'est comme une créature ratée. Donc quoi, Dieu élimine ça depuis le ventre de sa mère. Alors monsieur, je ne sais pas quoi dire. Quand on a un peu d'attente, on ne peut pas manger. Au lieu que vous trouviez le bâti, on a mon kili. Comme ça, il s'est battu kimia. Au lieu que vous êtes moine, vous êtes pas problème. Au lieu que vous êtes moine, vous êtes démon. Et tout le monde sait. Mais tout le monde sait. Ayo quelqu'un, vous tout sait. À toi, c'est quel côté? Il ne sait rien. Mais quoi, le fiasco, tout ce que vous êtes prêts à faire, vous n'allez rien réussir. En quoi est-ce qu'ils sont importants? Des fois, Dieu s'arrange à éliminer. Dans le spirituel, il y a aussi des bisimi. Et après, le macrocéphale. Côté sa connaissance, côté ça. Verset Oyo, côté ça. Citation. A quoi comment vous avez dit? Vous faites une bagarre. Nous tous sommes bakaka, mais qui m'a dit ni, qui m'a bougé boyé, t'as la bakole, vous couchez, et t'as la bête X, à tel ma déséquilibre, t'as la bête et tout du bakari, à mes gens, la bête, c'est paralytique, quel est le bosso, non, c'est un patapouf, ça ne va pas là, ça que des photos et des ciments, faut qu'il y a l'alia au corromplé, musique, ou qu'il y a mon kilé, quoi ça. Il n'a pas le temps de prier. Vous attendez pas mon rôle de la terre. Même pas l'occasion d'esprit. Attends, mais pas mon rôle. Pachapouf! Il n'a pas pas. Mais il va atteindre la perfection quel jour. Il y a un coup de la même colonie. Bah si, maman, yé! Maloba, yé! Quand on va plaire, c'est bon, il m'y. Aïe, mais qu'on t'a sur les chingotés, qu'on y aime de la femme, les chingotés, qu'on souka ma croix d'oreille, qu'on aïe, bien, moi, dans les choses fausses que je fais. Quand la correction vient, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Dieu a un but. C'est de présenter tout homme. Devenu parfait. Tous les disciples de la parole, tous les vrais croyants, les vrais enfants de Dieu, vont atteindre cette vie. Ne traînez pas les pas dans la rétrogradation, dans les affaiblissements, dans les bolembous, sors de là. Amen. Tu le dis, amen. Amen. Oui, nous aimons la vérité. Même si ça fait des fois mal. Attends, parce que nous aimons être corrigés. On n'a pas besoin d'être flattés. Quand des choses fausses nous émettons des choses fausses et fausses, nous devons chercher. Appeler Dieu au secours et qu'il nous vienne en aide. Regardez maintenant. Ici dans Éphésiens 4 là. Écoutez ce qu'il dit. Il dit jusqu'à ce que dans cette crise, que nous soyons tous parvenus. Et là on dit tout homme. Ici tous. Tout homme, toute femme, à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fin, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Vous aimez ça? Vous voulez y arriver? Croyez-vous y parvenir? Ce n'est pas en cristallisant vos chutes. Ah. Vous focalisant sur les chutes et les réussites. Et mais il faut regarder à la promesse. Prendre Dieu au mot, compter sur lui. Car sa promesse donne la vie à ses croyants. Ça vous donne la vie que vous manquez. Dans les sermons, la stature d'un homme parfait. Du 14 octobre 1962. paragraphe 224. Il dit, verset 4. Et voyons ici ce qu'il dit dans l'épître aux Ephésiens. À propos de cette chose également, sur la manière de procéder. Dans le verset 12, et nous commencerons avec le verset 12, nous commencerons ici au verset 11. Et il a donné les yeux comme apôtres, les autres comme prophètes. Souvenez-vous d'hier soir. N'essayez pas de remplir la fonction de l'autre homme. N'essayez pas de remplir la fonction de l'autre homme. La loi de Dieu pour tout homme, c'est de rester avec son appel. Vous voyez? Les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et tous comme abattés, pour le perfectionnement de quoi? De Dieu. Est-ce qu'il écrit comme ça? Pour le perfectionnement de Dieu. Mais Dieu est déjà parfait. Non? Il ne doit pas changer, il est triomphe. Mais toi, tu dois changer. Parce que tu es un pécheur. Coupable et incrédule. Infidèle par ta manière. Mal influencé par toi. Tu dois changer. Pour le perfectionnement de quoi? Les saints. Qui sont les saints? Commentaire emprunté. Qui sont les saints? Ce sont ceux qui sont sanctifiés. Ceux qui ont commencé ici en bas. Avec la stature d'un homme parfait. Ils doivent naître de nouveau. Après être nés de nouveau. Ils doivent tout faire. C'est la naissance engendre, produire la foi. De là, ils doivent faire tous les efforts. Pour joindre à leur foi la vertu. Et à la vertu, la connaissance spirituel, la connaissance révélée, pas spirituelle, pas scientifique, la connaissance révélée, c'est que vous connaissez par la grâce de Dieu, que Dieu vous a révélé, cette connaissance, c'est ce qui permet de vaincre les intellectuels et tous les systèmes de ce monde. Joignez à votre vertu. La connaissance, la tempérance. À la tempérance, ajoutez la piété. À la piété, ajoutez la patience. Et à la patience, ajoutez l'amour fraternel, l'amour des frères. Et à la fin, recherchez les sceaux de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit qui répandra dans votre cœur l'amour divin. L'amour parfait. Voilà la stature d'un homme parfait. C'est celui qui a ces sept vertus. Et dans lequel le baptême du Saint-Esprit vient les sceller. C'est les sceaux des dieux. Il est si large de nos jours. Mais il existe. Et nous voulons que tout homme parvienne à ça. Et la Bible dit, si ces choses sont en vous, et qu'elles y sont avec abondance, elles ne vous laisseront ni oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez alors mieux progresser. Étant d'abord bien constitué. Pas comme un tonneau troué qui ne le connaît pas. On met une vertu, ça fouille là-bas. L'autre, ça court par la gauche. Tonneau troué. Tout qui est un vase impeccable. Imperméable. Qui encaisse tout ce que Dieu a joué. Il ne perd pas ce qu'il a reçu avant. Mais qui conserve tout ce qui est déjà là. Comme le Seigneur l'a dit, à celui qui a, l'on donnera pour qu'il soit dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on donnera même ce qu'il ne peut pas savoir. Mais tu dois être celui qui a, mais qui est constitué de manière imperméable. Le récipient que tu es doit être un récipient imperméable. Comme ça Dieu ajoute. Et ça s'ajoute. Et ça augmente. Et a grandi. Jusqu'à ressembler à Christ. C'est ton nom là qui peut être rempli. Anda rempli par un ton nom troué. Car c'est du travail inutile. Tout ce que vous déversez va répandre. Les tonneaux d'Alantoïde. Tout qui ose le tomboka. Ça ne sert à rien. Il faut d'abord boucher tous les trous. Avant de commencer à remplir, boucher tous les trous. Que votre vase soit impeccable. Sans trou. Sans pertuis. Sans brèche. Sans fente. Mais que ce soit un vase qui peut conserver ce que Dieu a ajouté là pour que tu sois dans l'abondance. Gloire à Dieu. Vous avez une idée de la stature, non? Bon. Parce étonnant que lorsque nous étions en train de parler d'ici, l'ange du Seigneur est venu dans la salle. C'était à la prédication de vendredi, vous vous rappelez. Les cartons de France, 1994. Vous voyez? Là, j'étais, là, qui semble. Dieu est de loin et de près. Il utilise ses serviteurs comme il veut. Sans demander le point de vue de personne. Ce qu'il veut. Parce que nous avons intérêt dans ça. Nous y accordons une grande valeur. La vie des brebis. Il faut que votre vie soit meilleure. Il faut que vous atteigniez le sommet. Mon frère, ma soeur, si que vous y êtes là, position pour les choses correctes. Débarrasse-toi de toutes les fusilles. C'est vrai. L'ange est venu. Moi j'ai il s'est tenu là entre moi et mon traducteur qui est à droite. Entre moi et à vue. Moi j'ai vu cette colonne de feu faisant des va-et-viens. Une lumière plus brillante que la lumière de l'électricité. On n'avait pas de lampe, on était dans les noirs vers 19h. Un autre témoin lui entend les pas d'un homme. Il est entré par la porte de lui. Il marchait à pas présent. Il ouvre les yeux, ne voit personne. C'est pas du surnaturel. C'est les pas de la colonne de feu. La même colonne de feu que je vis là. C'est celle-là. Le Seigneur parmi son peuple. Je marcherai moi-même au milieu d'eux. C'est celui qui a fait la promesse. Et il a dit qu'il ne m'abandonnerait pas. Et qui sera avec moi. J'ai confiance. Il est fidèle.